À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, ont eu lieu les 1er de septembre un rassemblement de célébration à la ville de Nezahualcóyotl, Mexique, un meeting et une exposition de photos au comité angolais pour l'amitié et la solidarité avec le peuple, et une conférence à la compagnie Millenia Armada Express de l'Indonésie. À l'exposition de photos étaient exposées les photos sur les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. En cérémonie, les orateurs ont exalté les exploits mortels du président et du général accomplis pour la fondation et le développement de la République populaire démocratique de Corée. Ils ont souligné que sous la direction du maréchal, la Corée sera toujours prospère en tant que puissance socialiste invincible.